Message de vie donné à comprendre. Bonjour à toutes et à tous. Si je me compare à un compas qui consiste à ouvrir davantage les branches de mon esprit en élargissant mon cercle, je peux élargir mon champ de vision, soit le réduire. La pointe, c'est la décision, le crayon, c'est la réalisation. Je vous propose d'en faire un nouveau d'expérience. Dans le voyage intérieur, la série d'émissions de Message de vie, MES plus loin sage. Une émission produite par Richard Federman. De vie, donné à comprendre. Demain, comment 12 milliards d'êtres humains vont-ils se nourrir ? Avec l'accroissement démographique, il nous faudra construire un nouveau modèle. Nous savons que la politique agricole commune s'est mise en place afin de développer l'industrie agroalimentaire pour offrir un pouvoir d'achat aux consommateurs. Résultat, le consommateur cherche les prix les plus bas pour se nourrir. 15 millions d'hectares en France sont occupés par de la monoculture en blé et en maïs. Peut-on avoir un équilibre et une variété alimentaire suffisante, quand bien même il nous suffit d'aller dans nos campagnes pour constater qu'il n'y a pas d'équilibre dans les champs, comme la nourriture que nous donnons à nos poules et à nos cochons. Soutenons donc une agronomie et une agriculture équilibrées qui respectent les animaux, la terre et notre santé. En fait, si nous payons pas cher pour nous alimenter, les industriels, eux, payent très cher les moyens de production pour nous nourrir à prix bas. En réalité, croyez-vous réellement faire des économies ? Marc Dufumier est un scientifique et un agro-écologue reconnu. Il propose d'en finir avec une agriculture désuète qui n'aménage plus intelligemment notre environnement pour nous nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Je vous invite à nouveau à planter des graines de réflexion pour enrichir nos liens avec le monde qui nous entoure. Marc Dufumier, vous êtes agronome et défenseur de l'agroécologie. Vous êtes un scientifique engagé et reconnu qui s'intéresse aux questions alimentaires et à l'agriculture depuis 40 ans. J'aimerais partir de la base alimentaire, c'est-à-dire des sols. Une fois transformée par l'homme, elle finira dans nos assiettes. Ce lien essentiel ne cesse aujourd'hui de nous tracasser parce que nous prenons conscience de plus en plus que nos aliments sont faits à 46% en Europe de résidus de pesticides. Alors d'abord, la première chose qu'il faut repérer, c'est que l'essentiel de notre alimentation ne nous vient pas du sol, ça nous vient de l'atmosphère. Quand on dit « il nous faut trouver de l'énergie dans l'alimentation », cette énergie que nous avons dans l'alimentation nous vient du soleil. C'est bien la plante qui transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire et qui fait que d'où on peut aller au travail dépenser cette énergie. Et il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons du soleil avant 1,5 milliard d'années. Soyez sans crainte, c'est pas là le problème. Faire l'usage intensif de cette énergie solaire pour avoir de quoi manger, il n'y a pas de péril en la demeure. Sachez que cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, ce qu'on appelle le sucre, l'amidon, les huiles, les lipides, ce sont des hydrates de carbone. Et la plante, pour trouver le carbone, elle les prend dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Là, il n'y a pas de pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre. Il y a trop de gaz carbonique dans l'atmosphère. Si la plante peut effectivement intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène pour nos poumons, et avec ce carbone, nous fabriquer le sucre, l'amidon et les huiles dont nous avons besoin dans notre alimentation, c'est génial. Nous avons besoin de protéines. Et dans les protéines, il y a beaucoup d'azote. Mais où la plante trouve-t-elle l'azote pour fabriquer des protéines ? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air. Il n'y a pas de pénurie annoncée avant des siècles. Donc pareil, sachez que pour l'essentiel, ce que nous trouvons dans notre alimentation, énergie et protéines, nous viennent d'éléments qui sont en fait dans l'atmosphère. Alors vous me dites, le sol c'est très important, vous avez raison. Mais vous avez raison pour des raisons indirectes, et c'est vrai qu'il nous faut absolument sauvegarder nos sols, pour de multiples raisons. C'est que pour que la plante puisse intercepter le carbone et fabriquer nos besoins alimentaires, il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante, et le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous par lesquels elle transpire. Si jamais la plante manque d'eau dans le sol, elle ne peut plus transpirer, et du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait, sauf qu'elle ferme les orifices par lesquels elle était capable, effectivement, de prendre du carbone, du gaz carbonique, et fabriquer le sucre, l'amidon, l'énergie dont nous avons besoin pour l'alimentation. Le sol est quelque chose d'absolument décisif, vous n'avez pas tort, parce que précisément, c'est ça qui va permettre l'infiltration de l'eau dans le sol, la transpiration des plantes, la photosynthèse et tout ce qui est nécessaire pour notre alimentation. Alors c'est quand même vrai aussi que nous avons besoin de calcium, de phosphore, de potassium, d'oligo-éléments, et ça la plante le trouve dans le sol. Et plus on en prend dans le sol, plus il faudra trouver les moyens d'en remettre. Et la mauvaise nouvelle, il y en a plusieurs mauvaises nouvelles, mais c'est que les phosphores, on nous annonce une pénurie assez proche, d'ici 30-40 ans, et les mines de phosphate, eh bien, écoutez, vont être quasiment épuisées. Et le coût d'exploration de nouvelles mines de phosphate et leur coût d'exploitation va devenir hyper coûteux. Donc il nous faut être très économe, effectivement, en phosphore, mais nous en avons besoin, la plante en a besoin. Et là, la question, c'est de savoir si on pourrait trouver du phosphore ailleurs. Et sachez que la réponse, elle est quand même oui. La roche en sous-sol, le granit, le schiste, les falaises calcaires sont riches en éléments minéraux. C'est pas accessible quand elle est altérée, cette roche, par le climat, elle libère des éléments minéraux. C'est pas accessible à une racine de blé ou de maïs, mais ça peut être accessible à une racine d'arbre. Et donc si vous mettez des arbres qui vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça va remonter avec la sève, ça va se fixer dans les feuilles, la feuille morte va tomber à terre, votre maïs et votre blé va pouvoir être fertilisé grâce à des éléments minéraux qui viennent du sous-sol, parce que nous aurons remis des pommiers dans la prairie, nous aurons remis des haies dans nos champs et qui vont jouer des rôles multiples, mais nous pourrons ainsi fertiliser nos couches arables, les couches où, là où sont les racines des plantes, vont pouvoir être fertilisées parce que nous aurons été les chercher un peu plus profond et les remettre à la surface. Message de vie, donné à comprendre. De nous rejoindre, vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES Plus Loin Sage, aujourd'hui avec Marc Dufumier. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, de prendre soin du climat ou de prendre soin de ne plus utiliser de pesticides dans les champs? Le sol ou le climat? Eh bien j'insiste, les deux mon capitaine. C'est toute une seule et même chose. L'agroécologie, précisément, parvient à prendre en compte la totalité des phénomènes qui conditionne la croissance de nos plantes, le fait que ces plantes vont être attaquées ou pas par des insectes ou par des champignons pathogènes et autres. Mais l'agroécologie, effectivement la discipline, qui ne se réduit pas à « la plante a besoin de calcium, je fertilise, la plante a besoin d'être protégée d'insectes, je mets un pesticide », c'est pas ça. L'agriculture moderne de demain, c'est celle qui saura prendre la totalité des phénomènes et qui sont en interaction avec les uns et les autres. Vous vous plaignez de pesticides, vous avez raison. Sachez que quand même, les résidus pesticides dans notre nourriture, toute une catégorie qu'on appelle perturbateurs endocriniens, ça nous annonce pour nos jeunes générations des espérances de vie en bonne santé de 10 ans inférieures aux gens de ma génération qui, moi, qui ai des cheveux blancs, quand j'étais jeune, n'étaient pas exposés à ça. C'est-à-dire qu'il nous faut éviter absolument les pesticides, les résidus pesticides dans la nourriture. Mais comment les éviter? Les pesticides, ça a été fait pour neutraliser les pucerons qui s'attaquent aux plantes, les chenilles qui bouffent les feuilles. Ben, ce n'est pas ça la solution. Désormais, les pucerons vont être neutralisés par des coccinelles, les chenilles vont être neutralisées par des oiseaux qui vont aller les picorer. C'est donc par des voies écologiques, sans utilisation de molécules pesticides dramatiques pour notre santé. L'agriculture moderne de demain va devoir gérer des équilibres écologiques d'une incroyable complexité sans tuer. À partir de maintenant, nous allons vivre avec les ravageurs, mais nous allons empêcher leur prolifération ou éviter une prolifération. Nous allons vivre avec les agents pathogènes sans les tuer, mais nous allons essayer de minorer les ravages provoqués. Ça, c'est l'agriculture moderne de demain. Ça nous évitera les pesticides, mais il faudra maintenir les populations d'oiseaux, il faudra maintenir les populations d'abeilles, il faudra maintenir les populations de coccinelles, il faudra maintenir des populations de scarabées qui vont neutraliser les limaces et qui nous éviteront les pesticides, il faudra mettre des arbres qui hébergeront des mésanges bleus qui vont s'attaquer aux larves du Carpocaps, qui est une larve qui s'attaque à nos pommiers, à nos pommes, mais on évitera les pesticides. Oui, l'agriculture moderne de demain nous fera une alimentation de qualité, sans molécules pesticides, pas de problème. Mais si avec le changement climatique, vous avez des oiseaux qui migrent de 250 km vers le nord, et vous avez des papillons qui, eux, ne vont migrer que de 100 km, vous allez retrouver avec 250 km avec des oiseaux qui ne trouvent plus de chenilles à picorer, donc extinction des oiseaux, c'est quand même pas génial. Et là où il y avait les papillons et les chenilles qui n'ont plus été mangées par les oiseaux, alors là, les chenilles vont être des ravageuses de culture et vous allez mettre davantage de pesticides. Alors, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais vous voyez que la relation qu'il y a entre les préoccupations climatiques et les préoccupations sur les perturbateurs endocriniens ou la fertilité des sols, c'est un seul et même problème. L'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas la plante à elle seule, ce n'est pas le sol à lui seul, le troupeau à lui seul. L'objet de travail des agriculteurs, c'est un environnement, on dit nous dans le jargon un écosystème aménagé par les agriculteurs, on a coutume de dire un agro-écosystème, et dans cet agro-écosystème, il y a des interactions extrêmement compliquées entre ce qui se passe dans le sol, le ver de terre qui va creuser des galeries, qui va permettre à l'eau de s'infiltrer et qui va permettre à la plante de transpirer plus longtemps, et si elle transpire plus longtemps, elle va pouvoir bien intercepter l'énergie solaire et la transformer en énergie alimentaire. Entre les champignons qu'on peut trouver dans les sols, qui peuvent être très utiles, qui vont aller débusquer du calcium, du phosphore, du potassium, coincés entre les feuillets d'argile. Mais si, pour protéger une plante contre un champignon pathogène, un ravageur, vous mettez un fongicide, ça va dans le sol, ça tue le champignon utile, et du coup, vous détruisez la fertilité des sols. Alors ça, c'est l'agriculture du passé. L'agriculture industrielle auquel nous nous sommes accoutumés, elle a été capable de produire un maïs pas cher, parce qu'on ne fait que du maïs, parce que la même machine est amortie sur de grandes surfaces. Mais quand vous répétez le maïs tous les ans, tous les ans, tous les ans, les ravageurs du maïs se retrouvent tous les ans avec la même nourriture, etc. Donc non seulement vous reproduisez du maïs, mais vous reproduisez des ravageurs. Et la seule façon de lutter contre les ravageurs quand vous faites de la monoculture, c'est les pesticides. Et les pesticides, c'est ce qui vont tuer nos enfants. Alors, on va arrêter ce cirque. Et on va redevenir savant. Alors quand je dis redevenir savant, c'est pas que les agriculteurs doivent écouter les scientifiques, parce que les agriculteurs, au travers des siècles, par la voie empirique, autrefois, ils savaient sélectionner des variétés tolérantes à la présence d'insectes piqueurs-suceurs, les pucerons, de chenilles et autres. Et du coup, oui, il faudra un jour revenir à une sélection paysanne avec des gens qui vont aller chercher les semences dans leur propre récolte et ils vont chercher les semences dans les plants les moins attaqués par les ravageurs et les agents pathogènes. Et au bout de quelques années, ça nous fait des variétés qui peuvent tolérer la présence des ravageurs. On n'est plus obligé de les tuer, on n'emploie plus de pesticides et nos gamins pourront vivre longtemps. Je vous propose de partir à la rencontre de Jocelyn Moulin, porte-parole de Cocopelli et pionnier de la protection de la biodiversité cultivée, qui nous a quittés le 31 juillet 2017. Une sorte de tomates, j'en ai compté bien une trentaine, mais alors quand j'en connais que 630. Mais je connais que 3 tomates quand je vais faire les courses. Ah oui, parce que tu vas dans les supermarchés encore. Les supermarchés, il faut les boycotter. On n'a rien à faire dans les supermarchés. Ça ne sert à rien, les supermarchés. Tu sais, les grands magasins spécialisés en rien du tout. C'est ça, on appelle ça les supermarchés. Et qui vendent des tomates. Ils ne vendent pas des tomates, ils vendent des balles de tennis. Tu vois ? Qui sont immangeables. Si tu ne mets pas de sauce dessus, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Puis en plus, c'est des tomates de semences hybrides F1, variétés stériles dégénérées, qui t'obligent, quand tu veux de la semence, retourner au tiroir casse tous les ans. Quel monde, sur quelle planète tu vis, alors qu'il y a des grands cœurs de pommes, les associations, ils en ont 650, 700, 800, des variétés de pommes qu'on a découvert il y a très très longtemps et qu'on connaît très très bien, que le grand-père nous faisait manger quand on était petit et qui existent encore dans des conservatoires de pomologie, je pense dans le Berry par exemple, ou de différents endroits, où ils sortent à des vergers extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris à l'école ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils ? Qu'as-tu appris à l'école ? Comment on peut avoir... Accès aux tomates, 630 variétés de tomates à Cocopelli, association depuis mai 1999, fondée par Dominique Guillet, le grand visionnaire de la semence, Pierre Rabhi qui est le vice-président, et votre serviteur, petit trésorier. Mais combien de variétés il y a dans chaque légume et fruit, là, si déjà on fait le compte ? Oh là là, là je sais plus, sur le catalogue de Cocopelli, on est rendu à 2007 en gamme boutique et en gamme collection. Là, naturellement, sur le stand, on en a beaucoup moins. Il nous faudrait 500 mètres carrés pour tout présenter. Mais déjà, je pense qu'on est à 140 tomates, on doit être à 90 courges. Enfin, il y a largement de quoi faire. Un super jardin et autre chose que du supermarché. Mais pourquoi on pourrait faire aussi du supermarché en vendant plein de variétés de tomates et de courges? Mais ils commencent à faire, les grands coquins de la distribution bio en chimie, puisqu'on fait de la bio en chimie maintenant, il ne faut pas oublier, hein, qui vient d'Espagne, qui vient du Maroc, qui vient d'Italie, qui vient de Sicile, qui vient de n'importe où, où il y a des hectares de bio sous serre contrôlés par les mafias. Voilà, donc qui arrive à ce plat. Ok. Tu distingues d'une manière très très simple, c'est-à-dire que tu ne vas plus dans les supermarchés, t'achètes local, c'est une solution locale pour éviter le désordre global, t'achètes à la MAP au coin de ta rue, t'achètes au maraîcher au coin de ta rue, parce que t'as été voir chez lui lors d'une porte ouverte comment il fait et qu'il n'utilise pas n'importe quoi. Et l'épicier du quartier, comme on avait l'habitude de faire, qu'est-ce qu'il devient lui aussi? L'épicier du quartier, il passe par le grossiste, hein. Faut aller voir ce qui se passe. Hein. Faut regarder les étiquettes, faut discuter avec le gars les yeux dans les yeux, même s'il n'a pas les yeux bleus, et tu lui dis où tu vas te fournir. Et la plupart du temps, il passe chez le grossiste, il passe aux mines, marché d'intérêt national. Voilà. Et pourtant, il est sympa, l'épicier. Ah, mais il est sympa, il est ouvert jusqu'à minuit, 1h du matin. Il fait pour le mieux, quoi. Il fait pas... Donc c'est à nous de faire pour le mieux aussi. Depuis quand toi tu fais comment? Tu as ton jardin? Un petit jardin, et puis il y a une halle bio pas loin de chez nous où on habite, où le gars il fait des légumes bio, et puis il y a plein de circuits, tu sais, quand tu t'en... partout, donc les gens n'ont aucune difficulté aujourd'hui pour trouver des produits bio à côté de chez eux, sur le plan local. Alors qu'est-ce qui fait que les gens ont encore l'habitude d'aller dans les grandes surfaces pour s'alimenter? Ils sont lobotomisés par TF1, par Antenne 2, FR3 et tout ce qu'on veut. Ils ont la tête dans le caddie, c'est ce que j'appelle la société Pousse-Caddie. Ils n'ont pas essayé de réfléchir un petit peu à ce qui se passait dans leur assiette, ils n'ont pas dépassé le niveau de l'assiette. Donc il faudrait essayer de regarder un peu au-dessus. Que tu manges bio ou tu ne manges pas bio aujourd'hui, le point de départ, demain, après-demain et après-après-demain, c'est la semence. Donc les grands coquins de la semence, ils le savent pertinemment. Si tu contrôles la semence, tu contrôles le début de la chaîne alimentaire, donc le vivant, tu contrôles les peuples et tu fais ce que tu veux des gens dans leur assiette. Il y a des gens qui aiment faire ça ? Oui, il y en a qui sont ici en poids facilement, hein, on les connaît bien, Monsanto, Novartis, Cargesine, Dupont de Nemours, Syngenta, Limagrain, Thésier, Clause, Villemorin... Mais quel plaisir il y a à avoir à... Amasser des sous. Que tu as ramassé des sous et des sous et des sous et des sous. Et bien en bourse, quand tu es en bourse, puis s'amuser, acheter une île pour en impression que tu es chez eux. Et bien tu as trois piscines, tu as deux Porsches. Une fois que tu as trois piscines, une Porsche. Et bien tu sais pas, moi, tu as cinq valseuses qui te permettent de faire tourner ton compte chèque. Tu as plein de choses, il y a plein de choses. Mais une fois que tu as tout ça, qu'est-ce qu'il faut encore? Ah ben ça me fait passer à l'histoire de l'Africain, tu sais, qui est en train de travailler et puis qui revient, qui est pêcheur tout simplement. Et puis qui a un gars lui dit pourquoi tu n'emploies pas quelqu'un? Et il dit mais pourquoi faire? Pour te reposer. Et puis pourquoi tu n'as pas plus de salariés? Pourquoi faire? Pour te reposer. Il dit c'est ce que je fais déjà. Quoi. Le gars pendant 5 minutes il lui dit mais pourquoi tu n'as pas 3 bateaux, 3 salariés, pourquoi faire? Pour te reposer, tu seras tranquille. Je le fais déjà. Voilà. Et le gars il a un bateau seulement et il pêche la matinée. Stop. Donner du temps au temps. Excusez-moi. Y a pas de souci. Avec plaisir. Voilà. Bon. C'est bien, c'est bien. Bon, les enfants. Quelle heure est-il ? 19h15. Message de vie. Entendre un monde qui nous entoure. Mais alors, il est conscient que les sols, il les pollue avec les pesticides. S'il a la notion du temps et du climat et qu'il sait comment travailler sa terre, ben justement, il n'a pas l'impression qu'il a fait souffrir. Pourquoi il n'a pas cette conscience? Puisque l'agriculteur, lui-même, dans l'ancien temps, il connaissait tout. Alors, en règle générale, je ne dis pas tous, ils ont la conscience. Il ne faut pas se tromper, ils le savent. Le seul petit problème, c'est qu'on les met en compétition et on leur demande de livrer un maïs pas cher, un blé pas cher, une poudre de lait pas cher. Et si on veut que ce soit pas cher, effectivement, produire au moindre coût, un peu comme dans l'industrie, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'agriculteur industriel, c'est qu'un grand nombre d'agriculteurs en compétition les uns avec les autres et sur un marché mondial de plus en plus globalisé, sont pratiquement condamnés pour survivre et avoir des revenus à peu près décents, de produire au moindre coût monétaire. Et le moindre coût monétaire, c'est je vais investir dans une machine. Investir dans une machine, c'est-à-dire je vais employer moins de salariés, je vais mettre des gens au chômage. Et l'agriculture industrielle, elle a été de pair avec l'agrandissement des exploitations. Les fermiers les moins compétitifs sont partis au chômage ou chercher un emploi, mais de toute façon, ils prennent l'emploi de quelqu'un qui n'en trouvera pas. Et on a remplacé des machines, sauf que pour cette machine, les fermiers qui subsistent se sont lourdement endettés. Et s'il faut rembourser les emprunts, ils vont essayer d'amortir au plus vite le gros matériel pour lequel ils se sont endettés. Et à ce moment-là, ça veut dire monoculture. Donc on peut parfaitement être conscient des dégâts écologiques occasionnés par notre agriculture industrielle et poursuivre cette même agriculture industrielle parce qu'il en va de la survie d'agriculteurs pour ses revenus. Donc vous avez des agriculteurs qui sont conscients qu'on va dans une impasse, mais pour eux, aller modifier leur système de production vers une agriculture plus diversifiée, commencer à se préoccuper de la sauvegarde des libellules, des chenilles, des oiseaux, et de savoir que tout ça est relié, ça devient trop coûteux. Et dans les années qui suivent, ce serait pas rentable et ce serait eux qui disparaîtraient en premier. Je vous propose de découvrir un autre ami, Pierre Veille, qui est agronome et coprésident de l'association Bleu Blanc Cœur. Il travaille depuis plus de 20 ans sur le lien entre production agricole, environnement et santé. Message de vie, donné à comprendre. Mais c'est pas compliqué, hein. Il y a un donneur d'ordre, en gros, quel consommateur, qui veut payer de moins en moins cher pour se nourrir. Le budget de l'alimentation, qui était de l'ordre de 50% de ce qu'on gagnait après la Deuxième Guerre mondiale, il est tombé aujourd'hui à 14%. Dans les 14%, il y a grosso modo 2/3 sur ce qu'on achète dans les magasins et 1/3 sur ce qu'on dépense au restaurant ou à la cantine. Donc on dépense plus beaucoup d'argent pour se nourrir. On achète dans des grands magasins. Et ce qui domine, c'est le premier prix, enfin la recherche du prix bas pour se nourrir. Mais à partir de ce donneur d'ordre qui ne veut pas dépenser beaucoup pour se nourrir, il s'est mis en place des systèmes de distribution de masse, des systèmes de production de masse. Et tout au bout de ces chaînes-là, il suffit d'aller faire un tour dans la campagne et voir les monocultures. En France, il y a 15 millions d'hectares cultivés. Il y a deux plantes, le maïs et le soja, qui représentent à eux deux à peu près les 2/3. Pas le maïs et le soja, en France le maïs et le blé. Le maïs et le soja c'est au niveau mondial, en France c'est maïs et blé. Et je crois qu'il y a 7 plantes qui représentent 95% des surfaces cultivées. Donc on peut parler de tout ce qu'on veut en matière d'équilibre, de manger varié, équilibré. Mais quand il n'y a pas d'équilibre et de variété dans les champs, il ne peut pas y en avoir dans les assiettes. Et il ne peut pas y en avoir non plus dans les auges des animaux qui eux nous fournissent la moitié de nos protéines et de nos lipides en gros. Donc il y a un déséquilibre qui naît dans les champs et puis qui finit dans les assiettes. Et puis on retrouve en santé humaine ce qui commençait à se mettre en place en santé animale il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que l'équilibre se faisant plus par l'aliment, il se fait maintenant par l'additif et le médicament. Et de plus en plus, les gens, pour retrouver les vitamines, les antioxydants, les oméga-3 qui leur manquent et qui devraient arriver dans l'assiette, ils vont aller acheter ça en gélule, et c'est un peu dommage, un peu dramatique. Quelles sont les 7 cultures en France? Tu parlais de 7 cultures qui poussent en France. Alors que je les oublie pas, il y a le maïs et le blé, qui ramènent de l'énergie, très peu de protéines, pour nourrir les gens dans tout un tas. Regardez les rayons des magasins, il y a du blé, du maïs partout. Dans la farine, ça c'est sûr, dans le pain, mais évidemment pas seulement, dans tout un tas de biscuits, de plats préparés, de pizzas, de quiches, de tout ce que vous voulez. Là il y a du blé, le maïs il y en a aussi à peu près partout, comme un ingrédient d'à peu près tous les plats de l'industrie agroalimentaire, sous différentes formes. Et puis après ça va nourrir les animaux, c'est-à-dire que les maïs, les poules, les cochons sont nourris avec du blé et du maïs, et comme il n'y a pas de protéines, bah c'est facile parce qu'on importe des bateaux de soja et puis on complémente tout ça avec de la protéine de soja qui vient du Brésil. Voilà, il y en a partout, il y en a dans les supermarchés et puis il y en a dans les auges des animaux, et ça c'est les deux grandes cultures. Après il y a de l'orge, mais ça sert plutôt à faire de la bière et à nourrir les animaux. Il y a deux plantes oléagineuses qui sont le colza et le tournesol pour faire de l'huile et des biocarburants. Et puis après, il doit y avoir, je n'ai pas fait le compte, mais ça doit être bon si on rajoute les patates que l'on connaît, qu'on mange, mais on consomme aussi beaucoup de fécules, de sous-produits de pommes de terre, et puis les betteraves pour du sucre. Quand on additionne tout ça, on a tout ce qui peut aussi expliquer, quand on dit pour ne pas être diabétique ou pour ne pas être obèse, il ne faut pas manger trop de sucre. Il ne faut pas manger trop de sucre sous toutes ses formes, hein, sucre et amino. Il ne faut pas manger trop d'oméga 6, parce que ça provoque un excès d'inflammation. Ben, c'est cette culture, à l'exception peut-être du colza, qui a un meilleur équilibre oméga 6, oméga 3. Mais c'est cette culture, elle ramène quasiment exclusivement des sucres et des oméga 6. Donc non seulement il n'y en a plus beaucoup, mais en plus, c'est peut-être pas les bonnes, ou en tout cas, il faudrait autre chose pour les complémenter. Moi, je viens de l'alimentation animale, et c'est un regard très éclairant, hein, sur notre alimentation à nous, parce que le maïs, le blé, le soja, c'est parfait pour nourrir des animaux qui ont une espérance de vie de 2 mois si c'est un poulet, ou de 4 ou 5 mois si c'est un cochon. On n'a pas besoin d'être en très bonne santé quand on est sacrifié à 2 mois ou à 6 mois, mais non, c'est très bien, c'est de l'énergie, ça fait de la croissance, ça fait du poids. Les cochons et les poulets sont abattus de plus en plus jeunes, ça marche bien. Sauf qu'il y a de plus en plus de maladies. Mais nous, on a des espérances de vie un peu plus longues. Et on devrait logiquement se nourrir différemment d'un poulet ou d'un cochon. C'est pas vraiment le cas. En plus, ces cultures-là, c'est des cultures... Faut comprendre le monde paysan. Hein. Quand tout à l'heure, je disais le vrai donneur d'ordre, c'est le consommateur qui ne veut pas dépenser un sou de plus pour se nourrir et qui, tous les ans, a besoin de plus d'argent pour la dernière console, le dernier téléphone, la dernière télé. Ben forcément, le budget de la bouffe, il diminue. Et les gens, ils en ont pour leur argent. C'est-à-dire, ils ont de quoi se nourrir, comme des poulets et des cochons. Mais ils n'ont plus les vitamines, ils n'ont plus ce qui devrait les tenir en bonne santé. La santé peut s'acheter à coups de gélules, de compléments alimentaires, de médicaments. Mais nous pouvons nous sentir bien, être en forme, comme si l'harmonie de notre métabolisme se construit très en amont à coups de diversité nourricière pour que les aliments redeviennent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Des sources d'équilibre, de plaisir, de solidarité et de partage, et pour ne plus avoir peur de nos assiettes. Ça veut dire encore une fois que le profit arrive très facilement à détruire tout un système écologique et même humain, à vrai dire. On est tous dépendants de l'argent ou dépendants de quoi finalement pour sortir de ça? C'est un petit peu le même problème partout, on va dire. Comment sortir d'une dépendance? Alors il faut effectivement distinguer celui qui place son capital, c'est le capitaliste, et l'agriculteur qui est peut-être aussi et d'abord un travailleur. On ne va pas parler de la même façon entre celui qui place du capital chez Danone, chez Monsanto, chez Limagrain, chez Nestlé, chez Bayer, chez Syngenta et autres, et l'agriculteur qui travaille pour son propre compte. Mais néanmoins, tout ce monde-là est en compétition. Les capitalistes sont en compétition entre eux, c'est-à-dire que pour maximiser le taux de profit, eh ben, il faut amortir au plus vite leurs équipements. En général, le capitaliste investit rarement directement dans l'agriculture, c'est trop risqué. Il y a les orages, il y a les abeilles, il y a les coccinelles. On préfère laisser le risque à celui qui travaille. Mais le capitaliste investira en amont, hein, c'est-à-dire c'est lui qui produira les engrais de synthèse, c'est lui qui produira les produits phytosanitaires, c'est vraiment lui qui aura les monopoles des semences et parfois même essaiera d'interdire les paysans de produire par eux-mêmes leurs propres semences, ou alors il investira en aval, comme on dit, il investira dans l'industrie agroalimentaire, dans la grande et moyenne distribution. Je ne vais pas citer les noms de marques des différentes grandes surfaces. Mais cela dicte un peu la loi à des producteurs qui néanmoins effectivement travaillent, ce qui est très noble, essayent de vivre au mieux de leur travail, mais qui eux quand même sont contraints pour répondre au cahier des charges de l'agro-industrie qui elle veut un produit standard, le plus homogène possible, parce que le processus de transformation des produits agricoles va être industriel, il faut donc que ce soit totalement homogène. D'ailleurs les industriels parlent de matières premières agricoles, mais pour l'agriculteur, le produit agricole, c'est un produit fini, c'est pas une matière première. Mais les gens, ils parlent de matière première comme si c'était un minerai, comme si c'était, c'est injurieux à l'égard des agriculteurs. Mais n'empêche, l'agriculteur, il a un cahier des charges. Et s'il répond pas au cahier des charges de l'agro-industrie, il a des pénalités, il n'est pas payé correctement. Et puis ensuite, ben pour amortir ses équipements, il fait de la monoculture. Du coup, il a l'emploi des pesticides. Les pesticides, ça a fait le profit de ceux qui les produisent et autres. Et ils sont un peu obligés de respecter les règles, etc. Et donc, ils se retrouvent coincés. Beaucoup d'agriculteurs qui se sentent autonomes, qui se sentent même parfois, ils disent, entrepreneurs, sont devenus des ouvriers payés aux pièces. Et effectivement, pour améliorer leurs revenus, ben, ils sont en compétition les uns avec les autres. Il leur faut produire au moindre coût. Sauf que le coût, alors on vient dire, ben, c'est bien parce que notre alimentation ne va pas être chère. Sauf qu'on sait très bien que le lait pas cher nous coûte très cher. Nous payons tous des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Le pain pas cher nous coûte très cher parce que pour que l'eau du robinet, pour qu'il n'y ait pas de désherbant, il faut la dépolluer et ça nous coûte des millions. Et du coup, cette agriculture de compétition, cette économie plus exactement capitaliste, donc on voit que dire c'est culturel, attention, c'est fondamentalement même économique et ravageur. Les gens, évidemment, la culture d'un capitaliste n'est pas celle d'un travailleur, mais on est tous effectivement dans un piège, un système que certains appellent capitaliste, qui nous oblige apparemment à toujours produire au moindre coût, en oubliant la totalité des coûts autres qui sont des coûts de santé, des coûts des impôts pour retirer les algues vertes, des coûts pour dépolluer l'eau, qui n'est pas prise en charge, évidemment, par les capitalistes. Si vous venez à peine de nous rejoindre, vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage, avec aujourd'hui Marc Dufumier. Messages de vie, donnés à comprendre. Pour que nos auditeurs en nous entendent, comprennent la bascule et la prise de conscience qu'on doit avoir aujourd'hui pour sortir de ça. Alors il nous faut être honnête, hein, l'agriculture industrielle dont on parle, elle a été capable quand même de produire plus et au moindre coût, et dans un premier temps, on va dire post-deuxième guerre mondiale, de faire en sorte que, y compris, la part de l'alimentation dans le budget des ménages a diminué. Elle était de l'ordre de 30% au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est moins de 15%. Donc la part du coût de l'alimentation, je parle du coût monétaire, hein, parce qu'on va trouver des coûts, ne l'oublions pas, dans les maladies et autres, qui vont réapparaître ailleurs. Mais c'est vrai que donc la première apparence de cette agriculture industrielle, c'est d'avoir quand même pu nourrir, au moins pour ce qui est des calories, des protéines, enfin l'alimentation de base, un nombre croissant de gens. Alors c'est pas encore complètement vrai à l'échelle mondiale, hein. On n'oubliera pas qu'il y a 800 millions de gens encore dans le monde qui ont faim. Ça se situe un peu en France, les gens qui fréquentent les restaurants du cœur. Beaucoup au Brésil, les gens qui sont dans les bidonvilles. Beaucoup en Afrique, là où le climat est semi-aride, ou alors les gens ne produisent que du café et du cacao et ne parviennent pas à manger. Mais disons que globalement, en Europe, même s'il y a encore des gens qui ont faim, on ne l'oubliera pas, il y a des gens qui mendient pour leur nourriture, hein, le Secours populaire, le Secours catholique, les restaurants du cœur, ce genre de choses. Oui, globalement, l'espérance de vie a augmenté parce que les gens sont parvenus à se nourrir sans de manque. Mais en même temps, il nous faut être honnête, il apparaît des choses plus insidieuses. C'est-à-dire que notre espérance de vie totale va peut-être s'accroître. Alors notamment parce qu'il y a moins aussi de listériose, de salmonellose, c'est-à-dire il y a moins de microbes. En ce qui concerne les microbes qui étaient ravageurs, il y en a plutôt moins aujourd'hui. C'est l'agriculture, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui on sait mettre dans un frigo, on conserve mieux, enfin il y a moins d'accidents, mais c'est pas seulement le fait de l'agriculture. Mais en tout cas notre espérance de vie totale a augmenté. Mais par contre, la menace, et c'est pas seulement une menace, ça commence, c'est que notre espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans maladies prématurées, on pense en particulier à des maladies qu'on qualifie souvent de neurodégénératives, c'est-à-dire ça déboussole nos neurones mais ça veut dire qu'on va attraper la maladie de Parkinson plus tôt, on va se mettre à trembler plus tôt. Des maladies qui perturbent toujours nos neurones, c'est-à-dire on va perdre la mémoire plus tôt, c'est la maladie d'Alzheimer. Alors là, oui, le fait, notamment pour les jeunes, depuis in utero, hein, donc l'exposition de la femme enceinte aux pesticides, jusqu'après la puberté, même à faible dose, c'est ça qu'on oublie, mais sur une période prolongée, c'est plus la durée d'exposition à ces molécules pesticides, ces perturbateurs endocriniens, c'est comme ça qu'on les appelle. Eh bien, une exposition prolongée à ces molécules qu'on appelle les perturbateurs endocriniens dérégule le fonctionnement de nos glandes hormonales, certains disent les glandes endocrines, et ça se traduit par des maladies qui étaient autrefois des maladies du vieillissement, par des maladies du vieillissement qui interviennent plus prématurément. Et donc on prédit aux jeunes que Alzheimer, Parkinson, va intervenir 10 ans plus précocement chez eux que chez les gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui quand j'étais fœtus n'étaient pas exposés à ça. Et c'est vrai aussi pour toute une catégorie de maladies qu'on dit hormonodépendantes, c'est-à-dire les cancers, cancer du sein, cancer de la prostate, leucémie, lymphome, eh bien une apparition plus précoce. À quoi s'ajoute, même si c'est des choses qu'on commence à comprendre que plus récemment, des troubles de la fertilité, c'est-à-dire les gamines, les règles interviennent, la puberté intervient plus précocement, et chez les hommes, des troubles tout court de l'érection. Donc effectivement, l'exposition de la jeunesse à ces perturbateurs endocriniens, notamment dans les résidus de la nourriture, les pesticides qui sont dans notre nourriture, eh bien ça va se traduire par ces maladies plus précocement. Et je ne vous cache pas qu'un certain nombre de mes contradicteurs de l'Union interprofessionnelle de protection des plantes, qu'on appelait autrefois UIPP, qu'on appelait d'ailleurs autrefois Union interprofessionnelle des produits pesticides, eh bien me disent que ce que je vous raconte là, la prédiction scientifique des maladies prématurées, ben figurez-vous, on me dit, ce n'est pas statistiquement avéré. Et d'une certaine raison, ils ont raison, ce n'est que dans 50 ans qu'on pourra vérifier de façon statistique si la moyenne d'âge d'apparition de Alzheimer chez les jeunes est bien intervenue 10 ans plus précocement que les gens de ma génération. On ne connaît même pas encore la moyenne d'âge d'apparition de Alzheimer pour les gens de ma génération. Donc pour les jeunes, il faudra encore attendre 50 ans. Mais va-t-on devoir attendre que ce soit, comme ils disent, statistiquement avéré pour que des choses qui sont néanmoins d'ores et déjà aujourd'hui scientifiquement démontrées, va-t-on attendre 50 ans pour prendre des dispositions? Rappelez-vous, puisque vous me parliez du climat, il y a 30 ans, des scientifiques nous prédisaient le réchauffement climatique. Et on nous disait, ce n'est pas encore statistiquement avéré. Aujourd'hui, oui, on peut dire la date des vendanges, en moyenne, c'est une statistique, au cours des 30 dernières années, la date des vendanges est en moyenne, j'insiste, 10 ans plus précoce que les 30 années antérieures. Mais cette statistique, on a pu la faire 30 ans après les prédictions. Sauf que nous aurions dû prendre des précautions contre le réchauffement climatique global il y a déjà 50 ans. La COP21, ce n'était pas en 2015, c'était 30 ans avant, puisque déjà les scientifiques nous l'avaient démontré, que les émissions de gaz carbonique jouent un rôle d'effet de serre, que l'effet de serre, c'est un réchauffement climatique global, et derrière le réchauffement climatique global, c'est un dérèglement du climat avec des canicules plus intenses, plus fréquentes, mais des inondations aussi plus ravageuses et plus fréquentes. Pareil pour les grêles, pareil pour les cyclones en Haïti. Et ça, excusez-moi, quand c'est scientifiquement démontré, on ne va pas attendre que ce soit statistiquement avéré pour prendre des précautions. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Thank you. L'émission tire sur sa fin dans quelques instants. Nous allons terminer notre entretien avec Marc Dufumier. Sachez en tout cas que dans le monde industriel de compétition dont on parle et que moi je qualifie de capitaliste, il y a effectivement des risques croissants et on va effectivement, si nous ne prenons pas garde, si on ne parvient pas à changer cet ordre du monde, il est clair effectivement que même qu'on a la conscience des dangers, on va continuer à foncer droit dans le mur. Alors, peut-être que votre émission, c'était aussi, et peut-être que votre question, c'est est-ce qu'on pourrait trouver un remède ? La réponse, elle est oui. Je suis désolé, absolument, on va mettre fin au capitalisme. On va changer les règles du jeu. Et changer les règles du jeu, c'est de comprendre qu'on peut mener une agriculture qui va faire un usage intensif des rayons du soleil pour fabriquer notre énergie élémentaire, et du coup, ça veut dire que pas un rayon du soleil doit tomber à terre. Donc on sait aujourd'hui déjà que si on parvient à une couverture végétale maximale, si on parvient à faire en sorte qu'à toute saison, il y ait le maximum de feuilles vertes capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire, on pourra produire de l'énergie alimentaire sans recours à l'énergie fossile, puisque justement on est en train de faire le plein usage d'une ressource, l'énergie solaire, renouvelable, pas de pénurie avant 1,5 milliard d'années. Il faut trouver du carbone, je vous ai dit, on le trouve dans le gaz carbonique, il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante, le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous par lesquels elle transpire, et bien l'agriculteur moderne de demain va faire tout pour que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible, donc toute eau de pluie, elle va s'emmagasiner dans les sols, on va l'empêcher de ruisseler. On va l'empêcher de ruisseler, on va remettre des haies. Même la couverture végétale va empêcher l'eau d'aller inonder la vallée. Tout va s'infiltrer et être emmagasiné dans le sol pour que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible. Et c'est indispensable parce que c'est quand la plante transpire qu'elle ouvre les petits trous par lesquels le gaz carbonique parvient de rentrer. Vous voulez que l'eau s'infiltre ? Il faut que le sol soit poreux. Oubliez le labour, c'est une technique désuète. Faites confiance aux vers de terre. Faites confiance aux collemboles. Oui, il y a des méthodes qui permettront au sol d'être poreux sans qu'on ait besoin de le labourer, sans qu'on ait besoin d'oxyder le carbone de l'humus des sols pour qu'il retourne à l'état de gaz carbonique. La solution technique, on la connaît. Il suffit juste de la mettre en œuvre. Vous voulez fabriquer des protéines avec l'azote de l'air ? Mettez des légumineuses. Cultivez des lentilles, des pois chiches, des petits pois, des fèves, des haricots, ces légumes secs dont les diététiciens nous disent il faut en voir, parce que c'est pas seulement riche en protéines, mais c'est riche en fibres. Et les fibres, c'est ce qui nous empêche le cancer du côlon. Donc on va mettre des protéines, on ne va pas importer du soja du Brésil, d'Argentine ou des États-Unis. En France, nous allons produire nos propres protéines grâce à ces légumes secs. Mais si vous voulez nourrir des cochons, plutôt que d'importer du soja, produisez du lupin, de la févrole, du pois fourragé. Dans certaines régions d'ailleurs, on peut produire ici en France aussi du soja. Et si vous voulez nourrir des ruminants, des chèvres, des brebis et des vaches, produisez de la luzerne, produisez du sainfoin, du trèfle, de la veste. On ne manque pas en France, mais dans aucun pays du monde, de plantes de la famille des légumineuses capables de vous fabriquer des protéines avec l'azote de l'air, sans recours à l'énergie fossile, sans qu'on soit obligé d'utiliser des engrais de synthèse, vous savez, ce qu'on appelle urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, que l'on produit avec du gaz naturel russe, ne me parlez pas de circuit court. Non, on sait, sera sur place, la plante va vous fabriquer des protéines françaises à partir de l'azote de l'air français pour des animaux et des éléments français. Et c'est pas faire du tort aux Brésiliens, puisque les Brésiliens sont pas fiers, eux, de produire du soja pour nourrir nos cochons, ils préféraient que le soja nourrisse des Brésiliens. Donc sachez que c'est tous les peuples du monde qui auraient intérêt à pratiquer une agriculture savante, mais vous l'avez vu le petit problème de ce que je suis en train de vous raconter ? Si cette agriculture artisanale, savante, qui associe plusieurs plantes, qui met des plantes en rotation, dans lesquelles il y a des légumineuses, des céréales, des tubercules, tout ça associé, couverture végétale maximale, la plus permanente possible, il paraît qu'elle a un défaut. Elle serait exigeante en travail. Ce serait une agriculture intensive en emploi. On me reproche de promouvoir une agriculture intensive en emploi, alors qu'il y a 10% de chômage en France. On me reproche de vouloir installer des jeunes agriculteurs. On me reproche de promouvoir une agriculture qui, sur 300 hectares, permettrait de créer 3 emplois plutôt que d'en laisser un seul et que les gens puissent travailler ensemble en parfaite harmonie. Alors pourquoi on me reproche une agriculture intensive en emploi ? Vous savez pourquoi ? Parce que le travail coûte cher. Oui, le coût du travail, monsieur, ça coûte cher. Il faut les remplacer par des machines, mettre les gens au chômage et on fera de la monoculture. Et comme ça, on aura les perturbateurs endocriniens. Voilà ce qu'on me reproche. C'est que l'agriculture artisanale, dont on sait qu'elle peut nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, figurez-vous, elle n'est pas rentable pour les porteurs de profit. Mais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu que des agricultures destructrices de l'environnement. Il y a même eu des périodes où on a pu concilier le souci de nourrir plus de gens et de le nourrir correctement, tout en maintenant les potentialités productives, ce qu'on appelait la fertilité des sols, la fertilité des agroécosystèmes. Il fut des moments dans l'histoire où l'humanité a été savante. Non, non, le vrai problème qui va à l'encontre de l'agroécologie, c'est que là où autrefois il y avait de l'humanisme, maintenant il y a du capitalisme. Il y a des forces adverses considérables, on les connaît, il y a des solutions, donc on a toutes les raisons de rester optimiste. La seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras. On va rester mobilisé, on va gagner. Nos intervenants ont été nombreux et riches de savoir. Marc Dufumier, notre invité aujourd'hui, agronome, enseignant, chercheur d'agriculture comparée et de développement agricole, a écrit entre autres 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation aux éditions Alary. Nous avons reçu également Pierre Veil, agronome qui opère dans l'association bleu-blanc-coeur.org. Pierre Veil, sur une agriculture engagée dans une démarche durable et sociale. Il a écrit « Tous gros demain » aux éditions Plomb. Vous avez sûrement reconnu au cours de cette émission la voix de Jocelyn Moulin de l'association Cocopelli, qui rassemble tous ceux et celles qui souhaitent préserver le droit de semer librement des semences potagères et céréalières depuis plus de 25 ans. Je vous invite aussi à réécouter nos émissions sur notre site Richard Federman, comme le biomimétisme avec Gauthier Chapelle, les médecins de la terre réalisés avec Claude et Lydia Bourguignon, ainsi que le professeur Henri Joyeux. Portez-vous bien. Ciao.